Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Rue de Varennes, de François Perrache. Quatrième saison, plafond de verre. Plus fort et toujours la meilleure. 57 rue de Varennes. 18e épisode. Bonjour, monsieur Gerland. J'espère que le vol était agréable. Je suis votre officier de liaison du service de la protection. Je suis chargé de vous escorter de Villa Coublay au Conseil constitutionnel. Non. Je reste avec le colonel Michaka. Impossible, monsieur. Ma mission s'arrête là. Vous passez sous la responsabilité du SDLP. Mais qui vous a demandé de venir me chercher? Ordre du ministre de l'Intérieur, monsieur. Pelletier! Autant dire Mercalal. Pas question de monter en voiture avec vous. J'ai des consignes, monsieur. Je les emmerde, vos consignes, c'est clair? Je suis encore libre de mes mouvements. Colonel, trouvez-nous une voiture. Il nous reste 45 minutes. Et c'est reparti pour un tour, mes amis. Le second tour, pour être précis, de l'élection présidentielle. Suivez-moi attentivement. Tiphaine Kervelec, présidente par intérim, arrivée deuxième du premier tour face à Nadine Bousquet, a dû renoncer à sa candidature suite à de graves problèmes obstétriques. La Constitution de la République française, qui fixe les règles de ce drôle de jeu politique, prévoit alors que le candidat arrivé en troisième position prenne automatiquement sa place en finale. Nadine Bousquet est donc opposée à Pierre-Yves Gerland. Et le jour de la Saint-Valentin, le dimanche 14 février à 20h, voit l'aboutissement du plus improbable des scénarios. C'est Pierre-Yves Gerland. Pierre-Yves Gerland est élu président de la République avec seulement 50,8% des voix. Que de péripéties, mes amis. Il est temps que les choses se calment un peu. Reprenons donc tranquillement le fil de notre histoire. 4 petits jours après l'élection, le jeudi 18 février. Le nouveau président Gerland, tout juste élu, élu tout juste pourrait-on dire, a voulu que les choses aillent vite. Programme très chargé pour ce jeudi 18 février, puisqu'après le départ désormais imminent de Madame Kervelec, la cérémonie se poursuivra dans le salon des ambassadeurs, puis dans la salle des fêtes de l'Élysée aura lieu la proclamation des résultats officiels par Monsieur Philippe Jeuaton, président du Conseil constitutionnel, qui sera suivi d'une allocution du président Gerland. Allocution qui nous a d'ores et déjà été annoncée comme très brève et très sobre, à l'image de l'ensemble de cette cérémonie. Il est désormais 11h05, Mathieu, et il y a donc bientôt 55 minutes que l'échange privé se poursuit entre Pierre-Yves Gerland et Tiphaine Kervelec. Et outre des discussions autour des dossiers sensibles du moment, dossiers politiques ou sujets internationaux liés au terrorisme ou à la sécurité intérieure, on sait que ce moment d'échange confidentiel en tête-à-tête est l'occasion de la fameuse transmission des codes de l'arsenal nucléaire. G majuscule 5, B minuscule 7, 8, 0, T majuscule E minuscule 4. C'est tout, c'est fini? Ouais. Bon, ok. Je réessaie. Oh, merde! Toujours pas? On va pas se retaper tout le code Wi-Fi une troisième fois. Écoute, tu verras ça avec le service informatique. Ah, qu'est-ce que ça m'emmerde, tous ces ordis. Je déteste ces engins. J'ai toujours l'impression que je vais me faire électroniquer. C'est juste que parfois, dans ces vieilles baraques, le réseau passe pas. Tu voudrais pas déménager, d'ailleurs? Déménager? La présidence? Quitter l'Élysée? Bah ouais! Pourrait faire construire un bâtiment moderne, efficace. Un peu comme si on était au 21e siècle, finalement. Ouais, c'est ça. Et il est hyper mal foutu, ce bâtiment. Ça fait un mois que je suis ici pour l'intérim et j'ai toujours pas compris comment on va de mon bureau à la salle de presse. Enfin, ton bureau. Quitter l'Élysée. Les Français me le pardonneraient jamais. Ils adorent détester cette vieille baraque, comme tu dis. Bon, ce serait bien qu'on tienne encore 5 minutes. On battrait le record de durée pour une passation. Ça enverrait un signal fort. Voire 10 minutes alors, parce que Steve m'a envoyé un SMS. Météo France prévoit une éclaircie vers 11h15. Ça me permettrait de quitter l'Élysée en scooter, comme je te l'avais dit. Ah oui, oui. Faisons ça. Ah oui, en scooter. Ah ben si, il y a encore un truc qu'il faut que je te raconte. Hein. Il faut que je te raconte l'histoire des 3 enveloppes. L'histoire des 3 enveloppes? Ah, c'est la blague que se racontent tous les présidents pendant les passations. Tu ne la connais pas? Alors, c'est le président sortant qui remet solennellement à son successeur 3 enveloppes. Identiques. Qu'il a lui-même reçues de son prédécesseur. Bon, la passation se déroule, bon. Et au bout de quelques mois de mandat, comme il commence à devenir impopulaire, le nouveau président a pour consigne d'ouvrir la première enveloppe. Il l'ouvre, et là, il y a marqué sur un petit papier « Mettez tout sur le dos de votre prédécesseur ». Quelques mois plus tard, la situation politique s'est encore dégradée. Le président ouvre la deuxième enveloppe et il lit sur un petit papier « Blâmez la conjoncture, dites que vous avez pris la mesure de la situation et annoncez un remaniement ministériel complet ». Bon, plusieurs mois se passent, la situation se dégrade encore. Qu'est-ce que vous foutez ? Non, mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que tu fais là, Pablo ? C'est censé être un entretien confidentiel. Il n'y a personne qui surveille ce bureau, nom de Dieu ! Ah ben c'est rassurant ! Mais par où t'es passé ? J'ai dit que j'allais au chiot, je suis passé par le petit couloir du deuxième étage, je suis redescendu d'un étage par l'aile nord, il y avait une porte à l'arrière du bureau du secrétaire général qui n'était pas gardée, comme son bureau communiquait avec le tien. Mais bordel, c'est pas les journées du patrimoine, c'est pas un moulin ici ! Allez, fous-moi le camp, Pablo ! Oh, ça va ! Ça a assez duré votre truc, ça fait plus d'une heure qu'on est debout à poireauter comme des cons. Il y a des académiciens qui vont calancher. Mais on vous fera poireauter tant qu'on veut, on te sifflera quand on sera prêt. Mollo, Tiffaine, comment tu me parles? Je suis Premier ministre quand même. Tu es encore le Premier ministre, Pablo, et moi, je suis encore présidente de la République. Dehors! Par intérim, présidente, par intérim. Par hasard. C'est plus une présidentielle, c'est une pochette surprise. Soit tu t'es retrouvé à l'Elysée à cause d'un accident d'avion, l'autre il se retrouve président à cause d'une fausse couche. Qui ça, l'autre? C'est moi dont tu parles? Je savais que tu pouvais être dégueulasse, Pablo, mais là, vraiment, tu dépasses... Ben ouais, c'est dégueulasse. Stop. Hein, il va falloir vous y faire. Tous. Je suis le président de la République. Au terme d'un concours de circonstances, peut-être. À quelques dizaines de milliers de voix près, peut-être. Ben, vous avez fait vos petits arrangements? C'est dégueulasse. C'est ça, donne-nous des leçons sur les petits arrangements. On aurait dû refaire cette élection. C'est anti-démocratique. C'est peut-être pas démocratique, mais c'est la Constitution. Je suis le président de la République et tu es le Premier ministre. Concrètement, ça veut dire qu'au terme des articles 6, 8 et puis je ne sais pas combien, tu fermes ta gueule et tu sors de mon bureau, Pablo. Tu n'es que le Premier ministre et plus pour longtemps d'ailleurs. Tout ce que je te demande, Pierre-Yves, c'est de me laisser présenter formellement ma démission avant que tu nommes Tiffaine. Je ne te laisserai pas m'humilier. Mais tu ne me donnes pas d'ordre, Pablo. C'est fini. Il faut que tu te mettes bien ça dans le crâne, une bonne fois pour toutes. Oh, Pablo, t'as perdu la présidentielle. T'as fini 4e. Et maintenant, tu vas débarrasser le plancher de Matignon. T'es plus personne. T'as compris, ça, Pablo? Plus personne. Tu vois, Pierre-Yves, elle aussi, elle est pressée de prendre ma place. Je vais me donner du temps. Je veux rester le maître des horloges. Tout le monde sait que je vais nommer Tiffaine. Mais il faut justement pas que ça ressemble à un petit arrangement entre amis dans le dos des électeurs. Ça nous affaiblirait tous les deux. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Bon. Et là, depuis une heure, vous faites quoi? La vérité, figure-toi, c'est qu'on se racontait des blagues. Quoi? Et on disait du mal de Pelletier. Ça détend. C'est nouveau, ça. Tu dis du mal des gens, toi, Tiffaine. Je croyais que t'étais la gentille dans l'histoire. Il paraît que tu dis jamais une vacherie sur personne. T'es plus habitué à tailler des pipes que des costards. Pablo! Retire ce que tu viens de dire, Pablo, et excuse-toi. Oh, un peu d'humour, Tiffaine. Retire ce que tu viens de dire et excuse-toi. Deuxième fois. Non, allez, ma belle, du calme. Si tu veux aller à Matignon, va falloir apprendre à garder tes nerfs. T'en verras d'autres. Pablo, s'il te plaît. Mais je retire, Tiffaine. Je retire ce que j'ai dit. Toi, tailler des pipes, ton truc, ce serait... Tiffaine. Mais elle est folle. Tu vas me la payer, cette baffe. Je te jure, Tiffaine, tu vas me la payer. Cette baffe, je te l'ai mise au nom des millions de Français qui n'en peuvent plus de ton arrogance, Pablo. J'attends toujours tes excuses. Je rêve, cette conne me colle une baffe et elle veut que je m'excuse. T'as vraiment de la chance d'être une bonne femme, parce que je te jure... Excuse-toi ou je te pète la gueule. Quoi? Pablo, excuse-toi. Excuse-toi, Pablo, ou je te pète la gueule. Tiffaine! Je te pète la gueule, alors là, ma cocotte... Non, mais Tiffaine, non, mais c'est mon investiture, merde! Pété. Je sais... Tout va bien, monsieur? Madame? Oui, tout va bien, capitaine. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Mercadal? C'est une bonne question, capitaine, mais c'est à vous qu'on devrait la poser. Pablo, avec la gueule que je t'ai faite... Je te suggère de rester ici. Tant pis pour toi, tu seras pas sur la photo. Et évite de foutre du sang sur le tapis. Pierre-Yves, on y va? C'est le moment. Il y a un rayon de soleil. Oui. Bon, capitaine, occupez-vous du Premier ministre. Oui, monsieur le président. Bon. Je te laisse la boutique. Oui, mais... On reste sur le perron pour les photos et puis je descendrai les marches pour t'accompagner jusqu'à ton scooter. T'as un casque au moins? Oui, oui. Allons-y. Souris, Tiphaine, souris. Au fait, Pierre-Yves, il y a quoi dans la troisième enveloppe? Hein? Dans la dernière enveloppe que le président donne à son successeur. Celle qu'il doit ouvrir quand la situation est vraiment désespérée. Il y a simplement écrit « Préparez trois enveloppes ». C'était une belle passation. Simple, mais belle. Ma quatrième. Quatrième? Eh oui. J'étais déjà là pour l'investiture du président Fournier. Oh, je n'étais à l'époque qu'un ciron de la machine républicaine. Je sortais à peine de l'ENA. Il s'était lancé dans une allocution de 15 minutes interminable. J'avoue que je suis un peu frustré pour le discours de Thierry. À peine 3 minutes. Mais Tiphaine a exigé que j'écrive un truc court. Vous aurez l'occasion d'en écrire d'autres. Je suis très heureux, cher Christian, que vous preniez ma suite. Vous verrez, l'Élysée est une magnifique tour d'observation, à défaut d'être une tour de contrôle. Et vous serez bien plus tranquille qu'à Matignon. Alors, si je peux me permettre un seul conseil, retenez que le premier devoir d'un bon secrétaire général est de connaître le palais comme sa poche. Hein. Chaque salon, la moindre antichambre. Mon prédécesseur n'a jamais su en exploiter tout le potentiel labyrinthique. Et l'attente, très important, Christian. Toujours faire attendre, ni trop ni trop peu, les visiteurs de l'Élysée, même les plus prestigieux. Surtout les plus prestigieux. Je me souviens avoir fait mariner une demi-heure le président Kechlowski. Il était arrivé remonté comme un coucou et s'était mis en tête qu'il pourrait convaincre Paris d'accepter des bombardements sur le Yémen. Après 30 minutes enfoncées dans un petit fauteuil Louis XIII inconfortable, lorsque le président l'a reçu, Kechlowski avait renoncé à son idée. Les imbéciles et autres journalistes se focalisent sur le nombre de marches du perron que descendra le président, mais au château, la vraie diplomatie, c'est celle de la salle d'attente. Ah, bonsoir Edwige. Bonsoir, Monet Penny. Bonsoir, messieurs. Prenez de quoi noter, s'il vous plaît, Edwige. C'est à moi que revient l'honneur de vous dicter un dernier document. Je vous écoute, monsieur. Alors, arrêté portant nomination de la présidence de la République. Alors, vous mettrez la date de demain, Edwige. Il faut que ça sorte avant 10 heures. Oui, monsieur. Le président de la République arrête. Deux points. Article 1. Est nommé à la présidence de la République, secrétaire général, monsieur Christian Perron Chevalier. Il y a deux R, hein, on est bien d'accord. Deux R. Et un L. Article 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Faites-le et vous mettez la date et à la signature du président Gerland. Oui, monsieur. Bon, merci Edwige. Cher Christian, heureux de vous céder la place. Je pense que nous continuerons à travailler ensemble. Pierre-Yves, vous verrez bien au Quai d'Orsay. Ah, ici ou ailleurs, je serai toujours honoré de servir la France et le président. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. Bienvenue à l'Élysée, monsieur le secrétaire général. Qu'elle m'a dit, cette salope, t'es plus personne. À moi, tu te rends compte, putain? Elle va voir si je suis plus personne. Ah, bouge pas, je vais te mettre un autre pansement. Il faudrait que je te parle, Pablo. À mon avis, Pierre-Yves va la nommer avant la fin de la semaine, donc on n'a plus beaucoup de temps ici, David. Je veux qu'on mette à profit chaque minute qui me reste à Matignon pour leur mettre des bâtons dans les roues. Primo, j'ai appelé Pelletier, mais il répond pas, ce con. Je lui ai déjà laissé deux messages depuis ce matin. Tu sais pas où il est aujourd'hui? Pourquoi il répond pas? Non, je sais pas. T'agites pas comme ça, hein, Pablo. Je lui ai demandé de me sortir une copie de tous les dossiers perso qu'il a à Beauvau sur Tiffaine, Gerland et les autres, ça peut toujours servir. Toi, David, je veux que tu me prépares un joli discours de démission qui fout bien la merde. Je partirai pas sur la pointe des pieds. Je veux un scandale public. Il faut faire passer le message que je rentre pas dans leur petite combine. Et ça m'évitera de faire la passation à Matignon. Pas question de faire risette avec cette salope devant les photographes. Surtout avec cette gueule. Ok, mais... Putain, mais pourquoi elle m'appelle pas, Pelletier? Je me demande si c'est pas mon portable qui déconne, je reçois plus rien. Tu peux essayer de m'appeler, s'il te plaît? Mais vas-y, appelle. Hein? Ok. Vas-y, ça a l'air de marcher. Hein? Moi, enfin, avec le mien. C'est peut-être un problème de... je sais pas. Ah, il m'y mit pareil, silence radio. Tiens, je vais la rappeler. Qu'est-ce qu'elle fout avec les infos que je lui ai données? T'as un putain, ce portable. Tiens, elle répond pas. Bon, je vais essayer un SMS, peut-être ça passe mieux. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire, Pablo? Oui, j'ai pensé pour la réunion de cabinet de demain matin. Je me suis dit que... Vu les circonstances, c'est pas la peine de réunir tout le monde, hein, alors qu'on pourrait peut-être annuler. Mais tu rigoles, hein, pourquoi tu veux annuler? Non, je veux tout le monde demain matin. Justement, je veux briefer tout le cabinet, ce sera service minimum pour la passation des dossiers, même au niveau des conseillers. Je veux qu'on détruise un maximum de notes. Tous les rapports, on vide les messageries. Ça doit être la terre brûlée. Oui, enfin, tu sais, demain matin, il y aura peut-être quelques absents. Bah, tiens, d'ailleurs, je t'ai pas dit, en parlant du cap ce matin, je reçois un message de Catherine. Vautier. Ah. Elle me fait « Oui, bonjour Pablo, je te laisse un message pour te dire que les choses se sont un peu précipitées pour moi. J'ai accepté la proposition de la Société Générale qui me demande de prendre un poste à New York tout de suite. Donc pour moi, même quelques jours, c'est un peu délicat de rester conseillère économique à Matignon, blablabla. » Elle prend le poste alors? Mais elle m'a même pas prévenu. Elle peut aller pantoufler comme ça à la SOG? Elle? Tu parles, elle est couverte, hein. C'est son mec qui dirige la commission de déontologie. Ah, bon, bref, cette petite arriviste nous lâche pour aller faire du fric. Mais je vais pas la remplacer pour quelques jours, donc demain, à la réunion, on fait comme si elle était malade. Les rats quittent le navire, on s'en fout. Justement, Pablo, moi aussi, il faut que je te parle de mon cas. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 17h09. Salut Pablo, c'est Coralie. Drôle de période, j'imagine. Bon, je suis un peu désolée d'ajouter ça à ta liste de préoccupations, mais je viens de recevoir un appel de l'étude de Maître Vuillemin, qui représente les intérêts de Stéphanie. Elle a mandaté Vuillemin pour relancer la procédure de divorce. Elle aurait pu attendre que tu quittes Matignon, mais bon, apparemment, ils veulent aller vite, et ils seraient OK pour un consentement mutuel. Donc, je ne sais pas quelle est ta position, mais moi, mon conseil, ce serait de ne pas aller au conflit. Hein. Vuillemin est coriace, le dossier de Stéphanie est solide... Ceci dit, c'est bien que ce soit moi qui plaide ton dossier. Une avocate pour défendre le mari, c'est toujours mieux. Je pense qu'on peut limiter la casse. Bref, on en reparle dès que tu peux. Il n'y a pas d'urgence non plus, hein. T'as quelques jours pour réfléchir. Le mieux, évidemment, ce serait que tu passes au cabinet quand tu seras plus libre. Comme ça, on aurait ton dossier sous les yeux. Allez, rappelle-moi. À bientôt. Bon courage. Salut, Pablo. Madame, au téléphone. Non. Regardez qui m'appelle, jeune homme. Pablo Mercadal, le futur ex-premier ministre. Mais ça n'est pas un scoop, nous savons tous que c'est Tiffaine Kervélec qui va prendre sa place. Oui, et j'imagine que c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir. Mais vous savez, en fait, moi, j'ai pas eu des contacts très importants avec Madame Kervélec. Et depuis qu'elle a pris l'intérim à l'Elysée, je la vois plus du tout. Allons, ça m'étonnerait qu'on m'ait mal renseigné. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Racontez-moi un peu ce que vous faites. Donc, je suis administrateur adjoint au Sénat. Je travaille au bureau de la présidence. Je rédige des notes juridiques pour la présidente et son cabinet, mais concrètement, l'essentiel de mon temps, c'est du secrétariat, des tâches administratives, d'organisation... Tenir l'agenda, réserver les billets de train, les avions, les hôtels. C'est comme ça que j'ai un peu côtoyé Madame Kervélec, mais... Et c'est ça qui m'intéresse, jeune homme. Combien gagnez-vous à ce poste? Une misère, j'imagine. Quelle honte. J'ai regardé un peu votre CV. Brillant. Bravo. Quand on vient de province comme vous, sans appui, c'est difficile, vous savez, de faire carrière à Paris. Même dans l'administration, même avec du travail et du talent, il faut des appuis. Vous avez des appuis? Moi, je connais beaucoup de monde, c'est mon métier. Mais vous m'avez l'air de comprendre les choses et je pense que vous savez déjà ce que j'attends de vous. Je vous propose un peu d'aide. et un petit pécule. Pour se lancer dans le monde, c'est toujours utile. Mettons un an de salaire. Ne dites rien, jeune homme. Vous diriez une bêtise. Je vous propose donc un peu d'aide. Et de votre côté, je vous demande simplement de me raconter les quelques éléments personnels de la vie de Madame Kervelec qui m'auraient échappé et auxquels vous auriez eu accès. Et en même temps, ce que je voudrais, c'est savoir si j'ai fait le bon choix. Et s'il faut que j'aille très vite, ou au contraire que je prenne mon temps. Et donc, est-ce que vous pensez que le... Chut ! Faites silence. Pardon. L'ermite, évidemment. Ah, et c'est bien ? Associé à l'ermite, associé à votre carte. La mort. La mort ? Face à vous, l'empereur. Mercadal. Associé à l'empereur, très mauvais. Quoi ? La tour. Attention, les cartes ne disent jamais ce qu'elles disent. Mais elles le disent. Hein? Bah, oui, c'est possible. Face à l'empereur, la prêtresse. C'est Tiphaine. Associé à la prêtresse, le pendu. Mais c'est positif ou pas pour Tiphaine? Moi, j'ai pas bien compris. Faites silence. Je vais tirer maintenant les deux cartes qui vous relient tous les trois. Intéressant, intéressant, mais dangereux. Dangereux ? Qui ? La prêtresse ou l'empereur ? Votre relation, à tous les trois, dangereuse. Madame la Première Ministre. Madame le Premier Ministre. La Première Ministre. Non. Bon, je fais quoi, moi ? La Première... C'est ridicule, Tiphaine, c'est la fonction qui l'emporte. Et c'est moi qui décide. Ce sera Madame le Premier Ministre. La Première Ministre, c'est moi que ça concerne, merde. Oh. Et Madame la Premier Ministre. Oh, non. Bon, bah, moi j'y vais. Christian. Non, Christian. Mesdames et messieurs, conformément à l'article 8 de la Constitution, le président de la République décrète qu'il ait mis fin aux fonctions de M. Pablo Mercadal, Premier ministre. T'aurais dû le laisser démissionner. Il n'a pas volé. Membre du gouvernement. M. Gerland, président de la République, décrète Mme Tiphaine Kervelec est nommée. Premier ministre. Premier ministre. Au poste de Premier ministre. Je vous remercie. Il est très fort. Ah, très fort. Bon, allez, au boulot. Tu veux manger un morceau avec moi? Comme ça, on s'y met tout de suite. Hein, l'idéal, ce serait d'annoncer la compo demain matin et que vous vous mettiez immédiatement au travail. Je suis d'accord, on a du pain sur la planche. Mais avant ça, Pierre-Yves, j'ai quelque chose à t'annoncer. À propos de ma santé. À suivre. Rue de Varenne, de François Perrache. 18e épisode. Chris Nyanguna, Maud Le Grévelec, Hervé Pierre, Louis Do de Langsin, Grégoire Osterman, Éric Caruso, Christiane Coendi, Gilles David, Johanna Nizar, Marc Barbet, Ayam Zetoun, Michael Delis, Yana Bitnerova, Pauline Moulaine, Anne Deleuze, Mathias Simon, Richard Chevalier, Archibald Forçant Philippon et Delphine Léonard. Bruitage, Élodie Fiat et Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Émilie Couet. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. Christophe. is bad, you know.